Blockbuster, Frédéric Sigrist, on m'a dit que vous avez passé une semaine difficile. Oui, on ne se connaît pas Marion, mais je vous promets qu'habituellement, tout le monde peut en témoigner autour de cette table. Je suis une sorte de microclimat de bonne humeur. Oui, oui, c'est vrai. Un mélange interracial entre l'ours Paddington et l'oncle Phil dans Le Prince de Bel-Air. Mais après cette semaine, un nuage d'amertume a obscurci le ciel de ma bonhomie. Si on organisait une Coupe du Monde des semaines de merde, la semaine que je viens de passer s'appellerait l'Argentine. Tout a commencé le samedi précédent Noël. On prend la voiture en famille, ma compagne et nos deux enfants, histoire de faire la tournée des grands-parents qui ont eu la bonne idée de vivre aux quatre coins de la France. Alors il faut savoir que quand on part en voyage chez moi, ça ressemble à la famille de Kevin dans Maman j'ai raté l'avion. Ah, d'accord. Ça court dans tous les sens, on s'engueule, on vérifie 212 fois qu'on a bien fermé le gaz, les portes, les volets. Est-ce que le chat il est dedans ou il est dedans? Schrödinger il a dû inventer sa théorie un jour de départ en vacances. Bref, on part direction Lyon, quand soudain, sur l'autoroute, à 200 km de chez nous, notre voiture s'est mise à faire un drôle de bruit. On aurait dit Jean Lassalle qui adhérait en voiture. Ma compagne, ceinture noire de charge mentale, réagit prestement en empruntant immédiatement une bretelle. Oui, car il faut préciser que l'on a une répartition très précise des tâches et des responsabilités en voiture. Elle, elle conduit, moi, je mets la musique. Bah tiens. Oui, l'inverse serait de toute façon plus dangereux car je n'ai pas le permis et elle n'aime que Dominique A. Donc nous voici à l'arrêt, dans un virage sur l'autoroute, au milieu de nulle part. Le slogan d'Alien, c'était « Dans l'espace, personne ne vous entendra crier ». Dans une Peugeot 407 sur l'A16, non plus. On appelle nos assureurs militants qui, après 20 bonnes minutes d'une musique qui radicaliserait le Dalai Lama lui-même, nous disent qu'il faut d'abord appeler le 17. Ah, les joies des protocoles d'urgence! Mais peu importe, voiture et famille, on était presque dans un Fast and Furious, sans le budget et tourné par les Dardennes. On est donc mis en relation avec la sécurité des autoroutes qui nous demandent alors où nous nous trouvons. Je le dis aux auditeurs qui se demanderaient peut-être, dans un virage entre Paris et Lyon, c'est pas une géolocalisation assez précise. Ah. On nous intime alors de sortir de la voiture avec nos gilets jaunes et de nous placer derrière les barrières de sécurité parce que, le saviez-vous, rester dans une voiture à l'arrêt sur l'autoroute, il paraît que c'est dangereux. Problème, on est 4 pour un gilet jaune et moi je bosse à France Inter. Donc je peux pas me permettre d'être vu avec un gilet jaune, hein, parce que je sais ce qu'il va penser Anthony Bélanger. Après il va pas arrêter de me dire « Mais depuis quand t'es devenu conspirationniste? Est-ce que toute ta famille est anti-vax ou y a que toi ?» Bref, tous les raccourcis habituels des journalistes parisiens qui ne passent pas le périph'. Second problème, en dehors de la voiture, derrière les barrières de sécurité, dans un champ gelé au milieu de nulle part, je le rappelle, il fait moins 2. On risque certes moins de se faire écraser, mais la pneumonie n'a que faire de la sécurité routière. 45 minutes plus tard, le dépanneur arrive, enfin, trouve une famille toute bleue. Notre voiture va passer des vacances sans nous dans un garage d'une ville que je ne connais pas. On nous met dans un taxi, retour dans l'Essonne, car nous n'étions contractuellement plus près du départ que de l'arrivée. Le lendemain, toujours obstiné à trouver le bel esprit des films de Noël, on loue une voiture de location. Ça s'invente pas, on est flashé à 120 au lieu de 110, puis un pneu se dégonfle sur l'autoroute. Oh non. Et si, tout est vrai. Enfin arrivé chez les papis et mamies, mon ordinateur sur lequel j'écris toutes mes chroniques, un peu trop prompt à suivre les recommandations du gouvernement en matière de sobriété énergétique, se coupe, s'éteint, mais au lieu de se décaler, décide de ne plus jamais se rallumer. Spoiler, la révolte des machines, ça ressemblera pas à Terminator ou à Matrix, ça ressemblera à ma vie. Et pour finir, à Épinal, notre voiture de location a été rayée sur tout son flanc droit par un Vosgien acariâtre armé d'une clé qui ne supporte pas les voitures neuves immatriculées en Ile-de-France. Coût économique 480 euros pour Bibi. Bilan économique de ce Noël, 812 chroniques à France Inter. Ce matin, j'aurais pu vous parler d'un film, mais tout ça dans un long métrage, un réalisateur se serait sûrement dit que ça faisait trop. Mais vous êtes venu quand même, Frédéric Sigrist, et ça c'est beau. Bonne fin d'année quand même, bonne fin d'année à tous.